Rappelle-toi, salopette, lorsque tu m'as largué comme une vieille chaussette sur cette terre nuit d'été. De plus, tu m'as trompette, j'ai pas pu me faire rincer. Walou, la moulinette, une année que j'attendais. Allez, fini de jouette, retrousse ta chemisette et graffe ta jupette. Enlève ton calfouette, fais voir ta barbichette. Je te ferai le coup de la brouette et yop sur la carpette. Ce soir ça va fumer, je vais enfin me venger. La marmite va bouillir, les poils de cul rougir, et je vais te refiler pour toi la grosse merguez. Cette nuit d'été me pèse, et ce qui me sert de lest, ça commence à me gonfler. Nuit d'été, ce soir ça va chauffer. Ma super langoustine va se lécher les babines. Mon super merluchon, tu l'auras dans le caleçon. Ta tirelire va sentir le parfum du vampire. T'as largué le poissonnier, tu l'auras dans l'arrêt. Ce soir, y a pas de causette, je vais tirer une choupette, faire mollir le braquemar qui me gêne dans mon fragzar. Et le coup du lézard, ce soir, tu vas l'avoir. Et même si mon histoire est dure à avaler, je la dirai à Grégoire, notre copain irlandais. Et celui de Montréal, notre idole musicale, le professeur Pierrot du studio Piccolo.